Salut, c'est Mike Lécuyer pour l'émission Blues Covers. Vous avez tous reconnu, bien entendu, le fameux morceau « Hey Joe » par The Jimi Hendrix Experience. Ce titre est sorti en single en Angleterre fin 1966 et puis sur leur premier 33 tours, « Are You Experience » au début 1967. Ce fut la révolution, la révélation guitaristique de l'année. Il y a déjà eu un blues covers consacré à Jimi Hendrix avec différents artistes français qui reprenaient quelques morceaux différents. Là, c'est un blues cover exclusivement dédié à Hey Joe. L'origine du morceau est un petit peu floue, un petit peu controversée, puisque c'est théoriquement Billy Roberts qui l'a composé et enregistré en démo en 1962. Mais il se dit qu'il s'est inspiré de trois morceaux, dont un de sa petite amie d'ailleurs. Bon, on ne va pas épiloguer là-dessus. Toujours est-il que ce Billy Roberts est quand même à l'origine de ce tube. Et le premier groupe à l'avoir enregistré officiellement, c'est un groupe américain qui s'appelait The Leaves. J'avoue qu'à l'époque, je ne connaissais pas du tout cette version de ce groupe assez obscur américain. Bon, je l'ai écouté, c'est pas génial, hein. Bon, c'est intéressant historiquement, vous pouvez chercher ça peut-être sur YouTube ou Google, The Leaves. Les feuilles. En tout cas, c'est quand même la version de Jimi Hendrix qui est la plus connue et la plus reconnue. Et puis évidemment, en France, l'incontournable Johnny Hallyday, qui avait rencontré Jimi Hendrix en 66 à Londres, l'invite en France à faire sa première partie à l'Olympia. Et évidemment, quand Hey Joe sort, il s'empresse de reprendre le morceau. Il y a d'ailleurs une version alternative de Hey Joe en studio, chantée par Johnny Hallyday, où Jimi Hendrix est de passage et s'empresse de prendre une guitare acoustique, qui n'est pas la version officielle du disque paru en 1967. Voici donc Johnny Hallyday, Hey Joe. Hey Joe! Cours pas comme ça, dis y'a pas le feu chez toi. Hey Joe, viens dire bonjour, t'en mourras pas. Moi je rentre à l'heure qui me plaît, j'ai même plus de montre, j'ai tout mon temps. Ce qui m'attend chez moi, je le sais, rien qu'un lit froid sans personne dedans. Hey Joe, si on parlait, hein, mais de quoi? Hey Joe, le Vietnam, la bombe, tu t'en fous de tout ça? Et pour toi, Joe, y a toujours une place, mais pas pour moi. Pourquoi? Hey, Joe, pourquoi t'as de la chance, plein les doigts? C'était bien sûr Johnny Hallyday. En 1985, Alain Bachung y va de sa reprise de Hey Joe sur un single en studio et puis aussi sur un album public intitulé Live Tour 85. Alain Bachung, Hey Joe. Chez toi.

said, where are you going with that gun in your hand? Right. I'm going down to shoot my old lady. You know I call messing around with another man. I'm going down to shoot my old lady. You know I call messing around with another man. But that ain't too cool. Hey Joe, I heard you shut your one down. You shut it down now. Hey Joe, I said I heard you shut your lady down. You shut it down to the ground. C'était le groupe Gang. Après la Normandie, voici la Bretagne avec Yann Lem sur le label Bluesiac en 2011. Il a publié un très bon disque qui s'appelle Entre Blues et Granit avec sa version de Hey Joe, Yann Lem. Hey Joe, que t'as derrière la tête, et pourquoi t'es comme ça? Hé hé Joe, je voudrais bien savoir pourquoi t'es comme ça. Je vais tuer ma nana, tu vois, je l'ai trouvée dans d'autres bras. Avec un autre que moi. Hé hé Joe, j'ai entendu tirer, c'est toi qui l'as tué. Hé hé Joe, pourquoi t'as tiré et pourquoi tu l'as tué? J'ai pointé mon flingue, je tirais dessus. Et si je l'ai descendu, c'est parce que je l'ai trouvé qui traînait dans les rues. We'll be right back. vas faire, où vas-tu aller? Oh, hey Joe, il est déjà tard, où vas-tu ce soir? C'était Yann Lem en 2011. On va conclure ce Blues Covers consacré à Ed Joe avec Billy Roberts, l'auteur présumé, celui par qui tout a commencé en 1962. Billy Roberts, bye bye et à la prochaine. In your hand, hey Joe, I said, where are you going with that gun in your hand? Or I'm going down to shoot my old lady. You know I caught her messing around with another man. Yeah. Down to shoot my old lady. You know I caught her messing around with another man. And I ain't too cool. Hey Joe, I heard you shot your woman down. You shot her down now. Hey Joe, I heard you shot your old lady down. You shot her down near the ground. Yes, I did a shot. You know I caught him messing around town. Yes, I did a shot. You know I caught my old lady messing around town. And I gave her the gun. I shot her. C'était l'émission Blues Covers. Bonsoir.